Conversation. Écoutez. Le plombier siffle pendant son travail. Le plombier siffle quand il travaille. Le plombier siffle en travaillant. Vous apprendrez mieux l'anglais avec plus d'exercices. Vous apprendrez mieux l'anglais si vous faites plus d'exercices. Vous apprendrez mieux l'anglais en faisant plus d'exercices. Vous apprendrez mieux l'anglais si vous faites plus d'exercices. Vous apprendrez mieux l'anglais en faisant plus d'exercices. À cause de sa mauvaise conduite, il a été renvoyé. Parce qu'il se conduisait mal, il a été renvoyé. En se conduisant mal, il a été renvoyé. Répétez. 1. Le plombier siffle pendant son travail. 2. Le plombier siffle quand il travaille. 3. Le plombier siffle en travaillant. 4. Vous apprendrez mieux l'anglais avec plus d'exercices. 5. Vous apprendrez mieux l'anglais si vous faites plus d'exercices. 6. Vous apprendrez mieux l'anglais en faisant plus d'exercices. 7. À cause de sa mauvaise conduite, il a été renvoyé. 8. Parce qu'il se conduisait mal, il a été renvoyé. 9. En se conduisant mal, il a été renvoyé. Répondez, répétez. 10. Que fait le plombier pendant son travail? 11. Le plombier siffle pendant son travail. 12. Que fait le plombier pendant son travail? 13. Le plombier siffle quand il travaille. 14. Que fait le plombier pendant son travail? 15. Le plombier siffle en travaillant. 16. Comment faire pour apprendre mieux l'anglais? 17. Vous apprendrez mieux l'anglais avec plus d'exercices. 18. Comment faire pour apprendre mieux l'anglais? 19. Vous apprendrez mieux l'anglais si vous faites plus d'exercices. 20. Comment faire pour apprendre mieux l'anglais? 21. Vous apprendrez mieux l'anglais en faisant plus d'exercices. Pourquoi a-t-il été renvoyé? 23. À cause de sa mauvaise conduite, il a été renvoyé. 24. Pourquoi a-t-il été renvoyé? 25. Parce qu'il se conduisait mal, il a été renvoyé. 26. Pourquoi a-t-il été renvoyé? 27. En se conduisant mal, il a été renvoyé. Écoutez. Tu me passes le sucre? Tiens. Tu pourrais me dire bonjour. Bonjour. Tu m'énerves à toujours lire le journal en mangeant. Toi, tu m'énerves en rouspétant toujours. Répétez. 28. Tu me passes le sucre? 29. Tiens. 30. Tu pourrais me dire bonjour. 31. Bonjour. 32. Tu m'énerves à toujours lire le journal en mangeant. 33. Toi, tu m'énerves en rouspétant toujours. Répondez, répétez. 34. Tu me passes le sucre? 35. Tiens. 36. Tu pourrais me dire bonjour? 37. Bonjour. 38. Tu m'énerves à toujours lire le journal en mangeant. 39. Toi, tu m'énerves en rouspétant toujours. Écoutez. Tu te souviens qu'il faut passer à la poste? Ah, c'est vrai. Nous irons en partant. En descendant les bagages, tu pourras t'arrêter chez la concierge. Ce n'est pas la peine, je lui ai déjà donné les clés. En lui donnant les clés, tu lui as aussi laissé notre adresse de vacances? Oui, j'y ai pensé. Répétez. 40. Tu te souviens qu'il faut passer à la poste? 41. Ah, c'est vrai. Nous irons en partant. 42. En descendant les bagages, tu pourras t'arrêter chez la concierge. 43. Ce n'est pas la peine, je lui ai déjà donné les clés. 44. En lui donnant les clés, tu lui as aussi laissé notre adresse de vacances? 45. Oui, j'y ai pensé. Répondez, répétez. 46. Tu te souviens qu'il faut passer à la poste? 47. Ah, c'est vrai. Nous irons en partant. 48. En descendant les bagages, tu pourras t'arrêter chez la concierge. 49. Ce n'est pas la peine, je lui ai déjà donné les clés. 50. En lui donnant les clés, tu lui as aussi laissé notre adresse de vacances? 51. Oui, j'y ai pensé. Écoutez. TLM nous a donné sa réponse? Non, pas encore. En les appelant tout de suite, on pourrait peut-être savoir quelque chose? Non, c'est trop tôt. Il m'avait dit de ne pas appeler avant midi. En supposant qu'ils disent oui, sommes-nous en mesure de respecter les délais de livraison? Oui, tout à fait. Répétez. 52. TLM nous a donné sa réponse? 53. Non, pas encore. 54. En les appelant tout de suite, on pourrait peut-être savoir quelque chose? 55. Non, c'est trop tôt. Il m'avait dit de ne pas appeler avant midi. 56. En supposant qu'ils disent oui, sommes-nous en mesure de respecter les délais de livraison? 57. Oui, tout à fait. Répondez, répétez. 58. TLM nous a donné sa réponse. 60. Non, pas encore. 60. En les appelant tout de suite, on pourrait peut-être savoir quelque chose. 61. Non, c'est trop tôt. Il m'avait dit de ne pas appeler avant midi. 62. En supposant qu'ils disent oui, sommes-nous en mesure de respecter les délais de livraison? 63. Oui, tout à fait. Écoutez. 64. En prenant un taxi, est-ce qu'on arrivera plus vite? 65. Tu n'y penses pas. À Paris, aux heures de pointe, on va plus vite en métro. 66. Ah bon? Il vaut mieux que je prenne le métro. 67. Oui, à ta place, c'est ce que je ferai. 68. Mais par le métro, je ne suis pas loin de la rue de Rome. 69. En descendant à la gare Saint-Lazare, c'est à 2 minutes à pied. Répétez. 70. En prenant un taxi, est-ce qu'on arrivera plus vite? 71. Tu n'y penses pas. À Paris, aux heures de pointe, on va plus vite en métro. 72. Ah bon? Il vaut mieux que je prenne le métro. 73. Oui, à ta place, c'est ce que je ferai. 74. Mais par le métro, je ne suis pas loin de la rue de Rome. 75. En descendant à la gare Saint-Lazare, c'est à 2 minutes à pied. Répondez, répétez. 76. En prenant un taxi, est-ce qu'on arrivera plus vite? 77. Tu n'y penses pas. À Paris, aux heures de pointe, on va plus vite en métro. 78. Ah bon? Il vaut mieux que je prenne le métro. 79. Oui, à ta place, c'est ce que je ferais. 80. Mais par le métro, je ne suis pas loin de la rue de Rome. 81. En descendant la gare Saint-Lazare, c'est à 2 minutes à pied. Écoutez. En prenant le train de 10 heures, Pierre sera à Paris avant midi. Elle ira mieux en faisant tous les jours un peu de gymnastique. En suivant les cours du Centre culturel français, vous apprendrez vite le français. En concluant l'accord avant le 1er février, on pourra éviter la grève. En finissant à 5 heures, il ne m'est pas possible d'être chez vous à 5h30. En t'attendant, j'ai lu le journal. Répétez. 82. En prenant le train de 10 heures, Pierre sera à Paris avant midi. 83. Elle ira mieux en faisant tous les jours un peu de gymnastique. 84. En suivant les cours du Centre culturel français, vous apprendrez vite le français. 85. En concluant l'accord avant le 1er février, on pourra éviter la grève. 86. En finissant à 5 heures, il ne m'est pas possible d'être chez vous à 5h30. 87. En t'attendant, j'ai lu le journal. Répondez, répétez. 88. Pierre sera-t-il à Paris avant midi? 89. Oui, en prenant le train de 10 heures, Pierre sera à Paris avant midi. 90. Que lui a dit le médecin? 91. Qu'elle ira mieux en faisant tous les jours un peu de gymnastique. 92. Comment faire pour apprendre vite le français? 93. En suivant les cours du Centre culturel français, vous apprendrez vite le français. 94. Vous pensez qu'on pourra éviter la grève? 95. En concluant l'accord avant le 1er février, on pourra éviter la grève. 96. Nous nous voyons à 5h30, d'accord? 97. Non. En finissant à 5h, il ne m'est pas possible d'être chez vous à 5h30. 98. Tu ne t'es pas trop ennuyé? 99. En t'attendant, j'ai lu le journal.